J'ai défendu ton honneur, j'étais dans tes organes, toi tu m'appelais mon cœur. J'te jure votre honneur, j'aurais pas combattu trois man si j'savais qu'elle avait pas de cœur. Ouais. Plus rien de romantique, devenu un film d'horreur. Ouais. Mike Jack, j'fais peur, nouvelle nana actrice, elle préfère les thrillers. Parlez de toi, voulait savoir, demande si pour elle aussi je ferais la bagarre. Juste après elle voulait ken, oh. Mouillé en sard, ouais, j'l'ai envoyé au ciel, sans mourir c'était bizarre. Toi, t'es matérialiste, elle, c'est la meuf de la vision parfaite qui se matérialise. Mais j'me fais pas d'illusions, j'connais Copperfield. Cas d'échec, j'ai le plan tatoué sur moi, comme Michael Scofield, ouais. J't'ai montré le respect, c'est quoi? Disais qu'avant ils se foutaient de toi. C'est quoi? Tout plein de billets, ça comptait plus pour toi que trimer pour de vrai. 2-0-25, ouh, j'capte, c'est fair play, ouais. F.U. c'est cabitchis, maintenant c'est business, ouais, comme d'habitude. Fuck les bitches, maintenant j't'accorde pas plus de temps que l'interlude. Ouais, fuck les bitches, maintenant c'est business. Mouh la cravate, ouais, fuck les bitches. Ok carré, tout le bloc est dans Minecraft. Thank you.